En signe de félicitations à l'élection du camarade Kim Jong-un au poste de président du Parti travail de Corée, les ambassadeurs cambodgiens et indiens en Corée lui ont offert les corbeilles de fleurs et lettres de félicitations. Elles ont été transmises le 18 courant à un officiel coréen intéressé. Par ailleurs, le même jour, le camarade Kim Jong-un a reçu une corbeille de fleurs de la part du Rassemblement populaire arc-en-ciel de Guinée.